À bord de mon navire, j'ai traversé les sept mers. Je suis la fierté de mon équipage et pour les autres un nightmare. J'ai fait honneur à mon avenir, dévoilé par la pitié. Elle m'a dit que tout petit déjà j'avais trop d'appétit. J'ai joué les bonnes cartes du destin, mon nom sur les pancartes. Et dès qu'on me voit au loin, les pattes au s'écart. Le vent en poupe, j'y vais au feeling et je permute. De tribord à bâbord, je suis même passé tranquille par le triangle des Bermudes. Interdit d'escale dans tous les ports du monde. À moi les océans et le commerce maritime avec du sang. Quand je crie à l'abordage, mes hommes deviennent fous. Et la tête du capitaine s'ajoute aux autres sur la proue. Je me suis installé sur une île, entouré de statues géantes. J'ai fait fuir ses habitants dans une sorte de soucoupe volante. Bref, désormais basé en plein milieu du Pacifique. J'ai agrandi ma flotte et mon œuvre maléfique. Je suis le diable. J'ai envoyé des troupes à l'est et à l'ouest. Ils m'ont rapporté des restes humains et des caisses de rhum. Je me suis saoulé sur un coup de folie, je les ai quand même égorgés. La petite marchandise, c'est pas mon fort. J'ai félicité les dernières entrées de mission. Ils avaient changé de cap et levé l'ancre à une mauvaise position. Au nord, ils m'ont ramené des tonnes d'or et un dracard tout neuf. Mais j'étais corps bourré et ils sont morts. Je suis plus tout jeune, on voudrait prendre ma place. J'envoie quelques âmes tourner autour comme une nuée de rapaces. Il m'arrive d'aller s'apporter de temps en temps en bon pirate, délaissant mon harem pour des scons qui me cirent les pattes. Depuis plusieurs mois, on m'informe d'avoir des tops. Que mon île était la cible d'une gigantesque flotte, bien plus grande que la mienne. Et c'était vrai, j'ai péri, et encore aujourd'hui, mon histoire est fraîche. Car je suis le diable.